Ce vendredi, Michel Rabagliati et l'histoire de Montréal. Pierre Skilling nous présente le parcours et l'œuvre de Roberto Wilson. Des commentaires BD, tout ça à la vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour plonger dans la sphère du 9e art. Et dans les invités cette semaine, notamment, j'avais envie de plonger dans l'histoire de la bande dessinée québécoise. Et le Festival Québec BD va nous offrir une belle excuse pour ce faire à l'occasion de sa 31e édition, puisqu'il y aura une exposition qui sera montée en honneur autour du travail et de l'œuvre de Roberto Wilson. Roberto Wilson, qui est un artiste BD, un créateur BD québécois et haïtien que je ne connaissais pas avant qu'on m'en parle justement. On m'a dirigé vers son parcours, sincèrement un parcours assez particulier qui l'a mené donc de Port-au-Prince à Chicoutimi, qui l'a amené à publier une bande dessinée dans un hebdo qui a été publié pendant pratiquement plus de 10 ans, 2000 bandes dessinées de ce côté-là, l'une des plus longues sur la durée, je pense qu'on a vu au Québec dans une certaine catégorie. Bref, un parcours assez particulier et j'avais envie justement qu'on l'esquisse ce parcours et on aura l'occasion d'en jaser justement de manière plus détaillée et assurément plus précise que ce que je viens de vous en faire avec Pierre Skilling qui est derrière justement cette exposition-là. Alors il sera avec nous en deuxième moitié d'émission. En première moitié, on aura l'occasion de revenir sur l'histoire de Montréal à travers le regard de Michel Rabagliati. C'est un livre qui est sur la pile de choses dont on souhaite vous parler depuis un certain temps et là, avant qu'il soit peut-être un peu trop tard, on a décidé de se lancer. Alors, c'est une exposition que lui avait faite dans le cadre du 375e de Montréal. Donc, une exposition de type art public autour de la bande dessinée et de l'illustration. Et donc, ce livre, à la fin de l'automne dernier, est arrivé. Ben, en fait, ces œuvres-là, à la fin de l'automne dernier, sont arrivées en format livre via les éditions La Pastèque. Alors, c'est l'édition livre et beau livre, en fait. Je pense en termes de texture, on peut dire beau livre également, dont on va parler à l'émission aujourd'hui. Alors, c'est notre menu pour cette semaine. À travers ça, possiblement quelques commentaires BD et plus. Et on commence en actualité. Tiens, on parlait justement des éditions La Pastèque. Eux et le magazine Urbania ont annoncé tout récemment fait le développement d'un jeu pour plateforme mobile, d'une série d'animations également, qui sont adaptées du Facteur de l'espace, la bande dessinée jeunesse de Guillaume Perrault, qui a connu d'ailleurs une belle réception, un beau succès. Alors donc, un grand déploiement multiplateforme, c'est essentiellement ce qu'on annonce. Alors le Facteur de l'espace, je le rappelle, c'est des mystérieux colis qu'il doit livrer à travers la galaxie. Alors donc, l'idée, c'est qu'on va proposer un jeu vidéo en réalité augmentée où le joueur va assister le livreur de l'espace, le facteur de l'espace dans ses livraisons. Et par la suite, on parle de 78 épisodes d'une série animée, donc des épisodes de 7 minutes chacune, destinés principalement aux plus jeunes. On parle du jeu vidéo et de capsules qui, on l'espère, séduira également les grands et les parents et reprendront, nous assure-t-on, les éléments qui ont fait le succès de la bande dessinée en y ajoutant évidemment de nombreuses aventures inédites. On aura assurément l'occasion et on prendra assurément le temps de vous en reparler lors de la sortie du programme. Si on se reporte vers Québec, on annonce deux auteurs en résidence du côté de Québec BD. Alors, les auteurs internationaux Mathieu Burnia de Belgique et Javi Ray d'Espagne. Alors, eux seront présents dans la capitale en avril et en mai dans le cadre de résidences croisées entre le Québec et la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cas de Mathieu Burnia. Donc, une résidence dans laquelle il travaillera sur deux projets, dont un ayant pour cadre l'Amérique du Nord. C'est une quatrième édition, d'ailleurs, de cette résidence avec la Belgique. Et pour ce qui est de l'Espagne, eh bien, on a profité de la nomination de Québec au titre de ville de ville littéraire de l'UNESCO. Alors, ce qui a amené Québec BD à mettre en place une nouvelle collaboration avec l'Escola de Comics Hosso et la ville de Barcelone, aussi membre du réseau. Et pour marquer ces nouveaux liens, bien, l'organisme a choisi d'accueillir donc tout le mois d'avril l'auteur espagnol Javi Rey. Celui-ci va profiter de la résidence pour tisser des liens avec les auteurs de Québec, pour rencontrer le public, entre autres éléments. Alors, Mathieu Burnia, ben, on vous en a déjà parlé, notamment en 2014 avec La Passion de Dodin Bouffant. Il y a d'autres albums qui s'en viennent également, là, un qui s'appelle Les Mystères du Monde Aquatique, mais on avait beaucoup aimé La Passion de Dodin Bouffant. Alors, j'essaie de vous rappeler l'existence de ce titre. Et pour Javi Rey, eh ben, entre autres, on parle d'un maillot pour l'Algérie qui lui a donné l'occasion de réunir sa passion du sport et de la narration en bande dessinée. Et puisqu'on parle du Festival Québec BD, ben, quelques invités qui ont été annoncés puisqu'ils ont profité de la journée du 8 mai pour dévoiler 12 des auteurs qui vont prendre part à la programmation de l'événement. Il s'agit d'Isabelle Arsenault, de Laurence Dia-Dionne, de Lisa Mendel, de Mélodie Vachon-Boucher, de Karine Gotteau, de Cab, de Lena Mereille, de Zviane, de Catherine Oslo, de Lydia Ferron, de Max Fitzgerald et de Bach. Alors, d'autres auteurs, évidemment, et autrices seront annoncés au fil des semaines à venir. Des expositions également qui ont été dévoilées. Il y aura une exposition sur Alex A qui sera présentée au domaine Maiseret. Également une exposition de bande dessinée en 3D présentée en collaboration avec Culture Shawinigan qui, elle, sera à la bibliothèque Gabriel Roy. Et également, on a annoncé le retour des rencontres en BD, la création directe au Musée national des Beaux-Arts du Québec, ainsi que le concert de clôture du festival qui sera réalisé en collaboration une nouvelle fois avec l'Harmonie de Charlebourg. Un peu après la fin officielle de l'événement, ce sera le 21 avril, et on parle d'un carnet de voyage en BD, concert dessiné, avec comme dessinateurs Julien Dallaire-Charret et Anthony Charbonneau-Grenier. Alors voilà, pour ces quelques clins d'œil à l'actualité, en musique cette semaine, c'est Kidzan qui nous accompagne avec un album qui s'appelle Mist of Fury, et on écoute un premier extrait. Toujours à l'écoute de la vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. Raymond Poirier avec vous, je le rappelle, jusqu'à 18h30. Je vous invite également à nous suivre sur Facebook, facebook.com/lavieenbd. Et maintenant, on va plonger justement dans l'histoire de la métropole de Montréal. Une bande dessinée en fait une série d'art public d'abord, puis un livre illustré qui a été publié dans la foulée, donc l'automne dernier. Ça s'appelle Paul à Montréal. Et pour nous en parler, ben l'auteur Michel Rabagliati est avec nous au bout du fil. Monsieur Rabagliati, bonjour. Bonjour, Monsieur Poirier. Alors, ben, peut-être d'emblée, justement, j'imagine que pour vous, de passer en fait d'un projet d'art public, donc des cases assez massives, dans le fond, qui étaient proposées à Montréal, et en parallèle, donc, de passer maintenant, de proposer ces cases-là en format livre, c'est vraiment ces deux échelles assez différentes, deux expériences assez différentes aussi qu'on propose à partir du même contenu. C'est un projet. En fait, c'est moi qui était un peu déçu de voir l'exposition disparaître aussi vite que ça. C'était pour le 375e l'été dernier, c'est resté 4 mois accroché, tout ça. On a eu un magnifique succès, franchement, beaucoup de gens se sont déplacés pour voir l'expo, toute une exposition extérieure avec il y a une suite logique, c'est une bande dessinée muette aussi. Je voulais quelque chose d'assez simple à suivre avec pas trop de texte. En fait, il y a pas de texte parce que je voulais aussi que tout le monde puisse débarquer, genre même un touriste allemand peut suivre la bande dessinée là. Ça raconte un peu l'histoire de, en fait, pas mal l'histoire de Montréal, c'est une fantaisie historique. Comme je dis tout le temps, c'est pas exact au niveau des dates au pile poil, mais bon, ça rassemble plusieurs éléments qui moi me tenaient à cœur. Je pouvais faire en fait ce que je voulais avec ça. J'ai fait avancer donc une douzaine de grandes cases comme ça, puis on a fait un livre avec ça, mais quand même un livre augmenté là après. Mm-hmm. Oui, en fait, de rajouter des éléments, des détails et en fait, je parlais d'entrée de jeu aussi, c'est un beau livre en termes d'édition et justement, en fait, vous parliez donc d'une fantaisie historique. On part en fait du Montréal de 1642 et on remonte tranquillement jusqu'en 2017. Et chaque planche est un peu un condensé d'époque d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est fantaisiste, parce que bon, évidemment, je condense des décors, je condense des costumes, je mets plusieurs époques en une, en fait, autour d'eux. Fait que pour moi, ça se passe toujours autour d'eux, donc autour de 1642. Après ça, on avance assez vite, autour de 1750, autour de 1800, avec des éléments graphiques intéressants que je trouve, là, que je trouve intéressants à illustrer. Il y a des belles scènes de ville avec beaucoup de détails. Évidemment, c'est très meublé, très busy, comme on dit en anglais, là, parce que c'est comme si c'était des cases de 12 pieds de long. Il y avait beaucoup de place pour m'exprimer, donc j'en ai mis en masse. Là, il y a beaucoup de détails. Ça fait un beau livre, je trouve, très meublé. Moi, j'aime bien se regarder ce livre-là. Et puis, il y a des anecdotes ici qui viennent ponctuer aussi. Il y a une quarantaine d'anecdotes illustrées en plus, là, qui n'étaient pas présentes à l'expo, que moi, j'ai fait expressément pour le livre, là, qui en ajoute un peu. C'est un magnifique livre en 5 couleurs avec une couverture. Je l'adore, ce livre-là. À italienne, comme on dit, sur le long. Là. Et justement, en fait, j'imagine qu'en termes, quand on aborde la création des cases, vous dites, en termes ne serait-ce que de taille, il y avait beaucoup plus d'espace et de terrain de jeu disponible. Et j'imagine aussi quand on se dit, ben justement, que les gens ne la regarderont pas en tenant l'objet près d'eux, mais vont être plus éloignés, vont être debout pour l'observer. Est-ce que ça change un peu la manière dont on aborde le travail? Ah ben c'est sûr, tu sais, quand tu fais un lit, tu dis, bon, ben les gens vont être à un pied avec leurs lunettes. Quand on fait une expo au départ, ben, les gens sont parfois 50 pieds, pas de lunettes, c'est pas la même. Ils sont dans la rue, ils ont aussi des dérangements autour, donc dès le départ, ça a été pensé pour être à l'extérieur, facile à lire, facile à suivre, et puis je voulais pas que les gens arrivent au panneau numéro 4, puis qu'ils se disent, coudonc, c'était quoi le panneau numéro 3, qu'est-ce qui se passait dans le troisième, puis dans le deuxième. Donc, fallait que ce soit simple à suivre. C'est vraiment pour quasiment pour les enfants. Mais en même temps, ça raconte beaucoup. Il y a beaucoup de costumes qui changent. Il y a une espèce de poursuite en avant-plan qui est facile à suivre. Et puis là, les éléments graphiques qui sont à l'arrière, ben ça, c'est des trucs. C'est la construction du Vieux Montréal, l'église Bon Secours, etc. Ça avance vite. Là. Il y a beaucoup de bâtiments, le YMCA, la Banque nationale, l'Université McGill, tout ça, avec des affiches aussi. Il y a beaucoup de publicités. Des publicités d'époque, des typographies aussi. On voit que je suis un petit peu penché vers la. J'aime beaucoup la typo. Hein. Mon père est en typo et tout ça. Ma sœur aussi était typographe. Donc, c'est dans la famille. Moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'aime ça en mettre quand je peux, là. Mettre des typographies différentes, en fait, qui me tiennent à cœur. J'aime beaucoup ça illustrer ça. Oui, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu vous l'avez dit, en fait, il y a un peu deux niveaux de lecture là-dedans. D'une manière, enfin, on peut regarder chaque illustration dans le détail, voir justement ce que vous y avez inséré. C'est truffé d'éléments. Et en parallèle, dans le fond, c'est supporté, et vous l'avez mentionné, par une action qui est toute simple, et même si on la concentre dans le temps, c'est aussi très très court dans le fond comme situation. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est une petite poursuite qui est bien courte, mais qui s'étend sur plusieurs centaines d'années. Là, c'est comme il court à travers le temps, puis là, bon, on voit aussi la ville se construire en arrière. On voit des choses comme le pont Jacques-Cartier à moitié fini sur le fleuve. Oui, un peu comme si chaque pas changeait d'époque, dans le fond. Ouais, c'est ça. On voit des trucs comme ça, des anciennes publicités du parc Belmont, des endroits qui n'existent plus, le Louis Métoscope, un vendeur de gramophones, etc. Donc ça roule en arrière-plan comme une bande défilante. Les costumes changent très vite aussi. Ça a été un très grand plaisir à faire ça. La recherche a été assez longue, mais j'ai eu énormément de plaisir. Ça devait être un projet court, mais finalement, ça a pris presque 5 mois à faire, là, ces 12 illustrations-là, plus les 40 illustrations à l'intérieur. Ça a été assez long, finalement. Oui, ben, en fait, vous l'introduisez d'ailleurs dans les premières pages du livre où votre éditeur arrive en disant, ça ne te prendra pas très longtemps, puis après ça, on vous voit 8 mois plus tard. Exactement. Ben, vraiment, en fait, mon éditeur me disait, c'est des petits dessins, t'as pas besoin d'être si compliqué, mais aussitôt qu'on a un format de 6 pieds par 12 pieds, on peut pas se permettre de donner un bonhomme allumette aux gens. Je veux dire, on a un mur de maison, là, fait qu'il faut faire quelque chose d'intéressant à regarder avec ça. Puis j'avais vu juste aussi, les gens ont beaucoup aimé décortiquer ça, puis aller y aller avec leurs enfants, puis regarder ce qu'il y avait dans les trucs, te souviens-tu ce qu'il y a là, regardons ça, il y a plein de petits trucs à regarder. Moi j'aime ça décortiquer ce genre d'affaires-là. C'est un genre de où est Charlie un peu, à quelque part. Il y a pas mal de trucs, beaucoup de trucs à décoder puis à apprendre aussi. Donc j'ai eu les écoles ont beaucoup embarqué, les professeurs d'école ont fait le tour avec leurs élèves là, à coup de centaines d'élèves. C'était vraiment le fun de voir ça cet été. J'ai souvent fait le parcours moi-même à bicyclette pour voir, parce que souvent il y avait des tags, il fallait les nettoyer, mais genre j'ai vu les gens arriver aux 15 minutes au parc La Fontaine, là, ça n'a pas dérougi. Les gens ont beaucoup embarqué dans le projet. C'était vraiment charmant cette affaire-là. Et puis en même temps, j'imagine aussi pour vous, on parle de la taille, je pense qu'on peut difficilement en sortir non plus. C'est rare en BD jusqu'à date, en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu tant de projets de grande ampleur en art public, par exemple, qui ont été donnés à des illustrateurs et des dessinateurs. Et c'est rare, justement, qu'on vous dise, ben OK, vous avez une case de la taille d'un mur, vous pouvez vous amuser avec ça. Habituellement, on est plus restreint dans l'espace, un peu. Oui, c'est vrai, c'est rare. Puis en fait, ce que je me doutais au départ, je me disais, attends une minute, est-ce que les gens vont se déplacer pour des images imprimées? On est en 2018, les gens sont habitués de voir des projections laser sur les murs, puis des trucs à la Robert Lepage hallucinants. Puis là, je me disais, ça va être des images fixes, est-ce que ça intéresse encore les gens? Ben oui, c'est surprenant, les gens sont partants pour aller lire une bande dessinée dans la rue en séquence, puis de voir, ça prenait quand même 3 quarts d'heure à faire à pied, là, comme il faut. Puis ben, bon, la fin était magnifique, ça finissait au parc La Fontaine, puis les gens pouvaient aller prendre une bière au restaurant. C'était très bien pensé par l'éditeur puis tout ça. Ce qui a été très long, c'est la préparation de ça, avoir les autorisations, parce que là on arrivait avec un projet genre on voulait mettre ça sur les murs des gens, des particuliers. Fait qu'il a fallu négocier beaucoup avec les gens pour leur expliquer le projet. C'est une bande dessinée, on va taquer ça sur votre mur pendant 4 mois, êtes-vous d'accord, etc. Les autorisations étaient assez difficiles à obtenir, en fait. Oui, puis une fois qu'on passe par-dessus, une fois qu'on réussit à franchir un peu ces étapes-là, ben après ça, on peut simplement s'éclater avec le produit, rendu. Et après ça, ben justement, comme on dit au départ, prolonger un peu le plaisir, parce que c'est l'aspect éphémère dans un contexte où notre création habituellement est beaucoup sur la durée. Je veux dire, une BD, c'est là, ça dure tant que c'est édité et tant qu'il y a des exemplaires qui existent. Et oui, dans un cas d'exposition, après 4 mois... Oui, c'est ça, ça me décevait un peu. Habituellement, moi, ce que je fais reste, là. C'est pour ça que je fais le métier de bande d'auteur de BD, contrairement à mon ancien métier de justement d'illustrateur magazine. Ça me faisait un peu penser à ça. Quand tu fais d'illustration magazine, ça finit aux poubelles ou au recyclage assez rapidement, malheureusement. En BD, moi, ce que j'aime en bande dessinée et en littérature et tout ça, c'est que, bon, il y a un livre, il est en papier, il est sur les rayons, puis il est là, puis il reste là, puis il pourra rotler des années, puis il est à la disposition de tout le monde. Ça, c'est vraiment chouette. Donc, avec l'expo, ben, il y avait cet aspect éphémère-là qui m'agaçait un peu. Puis c'est moi qui ai proposé à l'éditeur, ça vaudrait peut-être la peine de le conserver quelque part. Puis tout de suite, on a élaboré un projet de livre. Puis ça a été un beau succès aussi. Et pour la petite histoire, le déplacement, dans le fond, part d'un morceau de tissu échappé. Il est un peu, en fait, dans l'image elle-même, c'est l'élément de couleur est un peu lié à ce morceau de tissu-là. Est-ce que c'est pour créer un repère clair? Ben, c'est un tablier, en fait, que Paul, dans le fond, qui est un coureur des bois, veut remettre à une fille du roi au départ. Puis bon, rapidement, la fille du roi se transforme, ses vêtements changent, c'est plus une fille du roi. Bon, c'est une dame de la société. Ensuite, elle est en métro. Ensuite, elle se promène, c'est une hippie. Ça va vite, là. Puis lui aussi, il change. Mais c'était pour cette espèce de lien. Je voulais avoir une espèce de lien qui les lie tout le long. Donc, il cherche à lui remettre son tablier là, depuis le départ, mais elle n'a jamais la tête dans la bonne direction, puis elle est tout le temps en avance sur lui. Donc, c'est un peu un prétexte à faire avancer la technologie. Puis comme il est en couleur, ben dans le fond, on le perd pas non plus. On sait à peu près où on se trouve dans l'action. C'est, c'était facile à regarder de 50 ou 60 pieds. On voyait bien. Il y avait pas trop de couleurs. Je voulais quelque chose aussi de très simple à déchiffrer, un truc facile à décoder pour les yeux puis pour tout le monde. Donc l'image est presque en fait en noir et blanc. Puis il y a un seul truc à couleur, en couleur. On le suit avec nos yeux. Puis c'est ça qui est le fil conducteur. C'est très très très simple. Oui, on est un peu dans un univers Zygépus ou Félix le chat là. Mais oui. c'est un peu ça. En fait, faut que ça respecte aussi votre univers visuel à vous, et veut pas, en dehors, je pense de la réédition couleur de Paul à la campagne, mais c'est noir et blanc, enfin, on l'a rarement vu en couleur, hormis au cinéma. Là. C'est toujours en noir et blanc, je continue d'ailleurs, mon prochain est en noir et blanc aussi, j'aime bien le noir et blanc, ça me convient, et puis dans le fond, ça m'enlève le problème d'avoir une boîte de Prismacolor de 500 couleurs devant moi, j'ai pas besoin de choisir, il y a juste deux tons de gris puis du noir, puis that's it. J'aime bien ce principe-là. Oui, puis en plus, j'ai l'impression, en fait, on se le figure, dans le livre, évidemment, il est entouré d'éléments de couleurs. En fait, le livre est rouge et les pages, c'est coloré, c'est vivant autour de la case. Et je me disais, d'une certaine manière, on va chercher un peu l'ambiance aussi de cette case noir et blanc qui est à l'intérieur de la couleur puis de la vie de la ville, qui vient aussi trancher et être en dialogue, dans le fond, avec l'espace qu'elle occupe dans la vie urbaine. Oui, exactement. Puis pour moi, c'est comme si on regardait les vieilles photographies de la ville. Le rouge, c'est un peu la ville. C'est le logo de la ville de Montréal. C'est la couleur des camions. C'est la couleur du logo de la ville. Fait que ça, pour moi, c'est important. Pour moi, tout de suite, rouge, ça fait Montréal. Puis bon, toutes les festivités du 375e est en rouge aussi. Les affiches, le logo. On voyait le rouge revenir souvent. Puis pour moi, c'était quand même une bonne idée de faire ça en rouge. Je voulais avoir une couverture aussi très, très, très simple. J'en rêvais de cette couverture. Je voulais juste avoir une couverture en tissu rouge, puis that's it, avec un estampillage à chaud, Paul à Montréal. Je suis bien content. C'est bien simple. C'est ça que je voulais. Oui, puis en même temps, ça vient distinguer, parce qu'on a les Pauls, en fait, les Pauls classiques, donc qui sont des récits, des BD. Et dans ce cas-ci, on est à la limite, je pense, entre le livre, entre la BD et le livre d'art, d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Oh, moi, je l'appelle, c'est un hors-série qu'on appelle, mais ça m'a pris quasiment tant de temps que d'en faire un complet. Mais c'est pas le neuvième de la série. C'est le neuvième, mais c'est un album hors-série qui est complètement hors format. C'est pas la même chose. Il y a pas de dialogue. On est vraiment dans la fantaisie. C'est plus de l'humour. C'est une démonstration visuelle. Là, c'est autre chose. Mais j'en suis très fier. J'ai eu beaucoup de fun à faire ça. Moi, ça a été pour moi aussi une belle occasion de faire de la recherche puis trouver des trucs sur la ville. Moi, j'ai beaucoup aimé chercher aussi des petites curiosités un peu partout à propos de la ville, à propos du métro, de la construction de certains édifices. Tout ça, il y a un paquet de petites curiosités comme ça qui était amusante à trouver puis à illustrer. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Oui, puis en même temps, tout ça aussi dans un contexte assez symbolique où le quartier dans lequel s'est installé à Montréal, le plateau Mont-Royal, c'est aussi le quartier de Paul en appartement. C'est un quartier qui est important pour vous aussi, oui. Évidemment. Ouais, un peu un quartier facile d'accès aussi. On voulait que ce soit de station de métro à station de métro. Donc on commence au métro Laurier. Les gens pouvaient sortir directement du métro Laurier puis boum, partir tout de suite puis descendre dans des rues aussi amusantes. On a pas mis ça sur Saint-Denis, là. On a mis ça dans les petites rues, Hôtel de Ville, la ruelle de Mers, des rues que personne n'avait vues. Ça a charmé les gens parce que beaucoup de personnes passent seulement sur Saint-Denis, Sherbrooke et puis Mont-Royal puis laissent faire le reste, là. Mais quand on se promène sur le plateau, il y a des endroits tellement charmants, oubliés complètement, des petites ruelles, des petits raccoins. Là. Les gens donc ont été bien contents de faire ça, sillonner ces petites rues oubliées-là. Là. On était bien contents du trajet. Ça. Oui, puis en fait, c'est que d'un côté, donc avec le livre, évidemment, ceux qui l'ont vu peuvent prolonger l'expérience, ceux qui l'ont raté peuvent la découvrir dans un autre format. Et en même temps, peut-être aussi qu'avec des projets comme ça, autant donc le vôtre et celui de la Pastèque à Montréal, autant d'autres initiatives du genre qui sont faites à Québec ou qui s'en viennent à Québec, que la bande dessinée prenne peut-être un peu de place aussi dans la sphère de l'art public, parce que il faut que la BD prenne cette place là. Ce serait très bien. Mais tu vois, si c'est vrai que, par exemple, à Bruxelles ou à Paris, il y a beaucoup de murales, des murales permanentes en BD qui sont bien entretenues, bien faites, puis super bien exécutées. Moi, j'adore tomber là-dessus. En ce moment, j'ai pas vu encore de... Je sais pas, mais si je me trompe pas, je pense qu'il n'y a pas encore de personnages de BD là sur une murale de Montréal, par exemple, je sais pas. Ou même des auteurs qui auraient eu carte blanche pour faire une murale, pour faire des œuvres. C'est souvent des compagnies de murales, Murmure, mm-hmm. ou des gens, des spécialistes de la murale qui vont faire ça, mais en ce moment, il y en a comme pas à Montréal, j'en ai pas vu, mais ça pourrait être le fun. Hein, oui, ben, on arrivera, me semble pas la Montréal, ça a marché, mais on peut en faire d'autres. Oui. on lance les idées comme ça, et je vous entendais dire, en fait, parce que la dernière fois qu'on s'était jasé, c'était autour de la sortie de Paul dans le Nord. À la fin du livre, vous disiez, mais justement, bon, je suis pas sûr d'avoir encore de quoi poursuivre, en fait, ou moins d'inspiration. Pour l'instant, c'était pas affirmé. Il y a eu Paul à Montréal, et là, je vous ai entendu dire qu'il y a un autre Paul, finalement, le 9e officiel. Ce serait comme le 10e. Oui, ben en fait, c'est commencé. J'ai pas pu m'en empêcher. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai eu des idées l'été passé. J'ai commencé, bon, je me disais, bon, je vais élaborer un scénario, un synopsis, voyons ce que ça donne. Puis finalement, je me suis embarqué dedans. Je trouvais que ça me faisait une chouette histoire à raconter. Là, en fait, ce qui me limite en ce moment, c'est j'ai des problèmes d'articulation de bras hallucinants. Fait que j'ai bien de la misère à dessiner. Là. Fait que c'est peut-être ça qui va me freiner finalement ou qui va mettre fin à la série. Je sais pas. J'ai beaucoup de problèmes à dessiner. Ça fait 40 ans là, tu sais, que je dessine tous les jours que le bon Dieu amène du graphisme. J'ai fait des sculptures de carton. En plus, je suis bricoleur, je joue du piano, de l'accordéon, de la guitare. Je sollicite beaucoup mon bras droit. Puis là, on dirait qu'il est comme tanné. Là. Il est tanné d'entendre parler de moi. Donc là, il me crie quelque chose. Prends un break parce que ça va faire. Le temps de capacité à dessiner diminue. C'est ce qui a vaincu plusieurs auteurs ou a fait un problème récurrent en BD qu'on voit justement chez les uns, chez les autres aussi. Là. Oui, hein? C'est les dessinateurs très très performants qui en font beaucoup. J'entends ça souvent, des maux de bras, des tendinites, des capsulites, des affaires. C'est ça, c'est un geste. Ce qu'on appelle une maladie d'expert, là, c'est mm-hmm. C'est comme les violonistes ou les pianistes, ça finit par te tomber dessus, Mané, malheureusement. Évidemment, on croise les doigts pour que ça soit pas trop sérieux, évidemment. J'espère. Et en terminant, juste par curiosité, quelle période est-ce que vous êtes rapproché un peu du Michel Rabagliati d'aujourd'hui ou on reste un peu dans les années 90, 80, 70? Ah ouais, ben c'est un livre qui est très différent des autres. C'est qu'on est 15 ans après Paul à Québec dans celui-là ici. Puis c'est un album beaucoup plus introspectif. Il y a eu beaucoup de changements. Bon, c'est comme tout le monde le sait, c'est de l'autofiction, donc ça se rapproche pas mal de ma vraie vie. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, des deuils, etc. Le personnage a vieilli, il y a 51 ans dans celui-là. Dans le fond, on l'a vu à 38 ans, à son plus vieux, dans Paul à Québec, en famille, et puis tout ça. Puis là, on est dans un univers beaucoup plus sombre. Il est séparé, il est seul, et puis là, c'est la cinquantaine. Il est auteur de BD, tout ça. Donc, on peut dire qu'on rattrape le temps, on le voit vraiment dans son vrai métier, on le voit, il y a beaucoup de, comment dire, de déambulation, de réflexion, c'est un livre très introspectif, il n'y a presque pas de dialogue parce qu'il est souvent seul avec lui-même ou dans des endroits seuls, perdu dans ses réflexions, pis tout ça. Donc c'est un autre ton là tout de suite, c'est un album qui a un autre ton, moi j'ai envie de raconter ça aussi, j'ai envie d'aller là, c'est très, comment dire, déambulatoire comme on dit. Donc, à découvrir de ce côté-là. Il va y avoir aussi d'autres projets qui s'en viennent, qui seront lancés aussi en avril. On aura sûrement l'occasion de s'en reparler ou à tout le moins de les voir et de vous voir autour de ceux-ci. Michel Rabagliati, merci beaucoup. Hey, mais c'est moi qui vous remercie. À une prochaine. OK, salut Raymond. Bye. Alors voilà, je rappelle Michel Rabagliati qu'on recevait autour de cette œuvre, donc Paul à Montréal. Donc, livre Paul hors série, beau livre entre bande dessinée et livre d'art qui est proposé du côté des éditions La Pastèque. We'll be right back. Et voilà toujours la formation Kidzan qui nous accompagne cette semaine. Toujours dans la 8-bit, on est toujours dans la 8-bit ici à La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et dans les dernières semaines, en fait, j'ai eu l'occasion d'échanger avec l'équipe du Festival Québec BD. Et entre autres, qui m'ont dit qu'ils préparaient une exposition en collaboration avec Pierre Skilling. Ou que Pierre Skilling préparait une exposition en collaboration avec eux. Donc, de présenter la chose. Dans le fond, c'est une exposition qui était autour de l'œuvre et du travail de Roberto Wilson, qui est un auteur BD, sincèrement, que je ne connaissais pas du tout. Un auteur BD québécois qui était venu du Québec à partir d'Haïti dans les années 1950. Et j'ai eu envie d'en apprendre un peu plus sur cet auteur, sur son travail. Je me suis dit, pourquoi pas inviter Pierre Skilling pour en jaser avec nous. Bonjour. Ben bonjour, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Et en termes statistiques, il est connu entre autres et principalement sur pour sa BD Les Aventures de Robert et Roland, qui a roulé en fait 2000 épisodes, je pense à peu près. Ah oui, c'est sur à peu près quoi une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Là. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment exceptionnel pour l'époque. Et puis en fait c'est ça, puis c'est un monsieur qui était passionné de BD pendant son enfance en Haïti. Alors c'est de la BD réaliste, la BD c'est une série policière qui se passait à Québec. Puis il faut rendre hommage à un monsieur qui s'appelle Bernard Dubois là, qui avait un peu disons déterré là le souvenir de Roberto Wilson dans les années 80 à l'époque de notre association qu'on avait créée à Québec là, la SCABD ou la SCAB là, la Société des créateurs et amis de la BD. Bernard Dubois qui était un bibliothécaire qui était notre documentaliste à l'association et qui avait découvert là, qui avait redécouvert le travail de Roberto Wilson, qui l'avait rencontré. Qui avait fait un article sur lui. Ensuite, j'avais fait une entrevue avec Roberto Wilson. Donc, c'était une espèce de... Le devoir de mémoire, en fait, qu'on se donnait. Tout à fait. Oui. Parce que dans l'époque, en fait, on connaît beaucoup certains auteurs, justement, entre autres, via, Le Monde Agricole et autres, ou des bandes dessinées comme Onésime, qui ont duré très, très, très longtemps. Oui, mais des religieuses à l'époque aussi, beaucoup. Des religieuses aussi. Mais dans le fond, là, d'arriver avec, justement, une bande dessinée de 2000 épisodes, un peu type thriller, donc ça tranche aussi avec, il me semble, la production qu'il y avait à l'époque dans les médias, dans les journaux. Oui, tout à fait. Il faisait même, c'était même un strip quotidien là pendant toutes ces années-là. C'était clairement une passion pour ce monsieur, qui était un monsieur de grande culture d'ailleurs, par ailleurs, qui a une carrière multidimensionnelle, mais qui était, c'est parce que bon, ses principales influences, disons, sur le plan en bande dessinée, c'était Alex Raymond, le Flash Gordon, tout ça, Milton Caniff. Alors c'était vraiment, effectivement, ce type de bande dessinée réaliste, c'est sûrement un des premiers là à Québec en plus. Écoutez, c'est fou quand on creuse un peu justement puis qu'on découvre des figures comme ça qu'on avait oublié un peu comme l'an dernier. Bon, on avait retrouvé Yvette Lapointe, femme qui faisait de la BD des années 30, et là de tomber sur justement Monsieur Wilson et de se rappeler justement l'existence de cet auteur là et justement vous disiez Pierre Skilling dans son parcours qui est assez surprenant. Donc il a écrit des romans, il était journaliste. Et ne serait-ce aussi que simplement d'arriver, de partir d'Haïti où il est né dans les années 1928 en fait, et d'arriver au Québec à Chicoutimi en 1952. Donc déjà de là, on a un indice de parcours parce qu'il s'est fait des choses aussi entre les deux évidemment. Ah, tout à fait. Assez particulière. Ben, il était animateur de radio même. En fait, il a commencé sa carrière à Chicoutimi justement, c'est ça. Même en BD, il avait publié un journal aussi en hommage à un nageur du Saguenay qui avait fait une traversée à la nage en Ontario. À l'époque, il était un personnage très populaire de la région. Alors, une BD sur ce monsieur, sur ce personnage-là qui s'appelait, attendez un peu, là, j'ai ça quelque part. Vous l'avez peut-être pas loin, vous aussi, là. Le vainqueur du Saguenay, voilà, c'est ça. Oui. Alors, c'est quelqu'un donc qui s'était bien intégré aussi, clairement, Roberto Wilson au Québec. Évidemment, ça correspond aussi à la vague là, de l'immigration haïtienne dans les années 50. Là. On, On a peut-être tous eu presque un professeur d'origine haïtienne au secondaire ou au cégep. Ou bon, alors c'était cette vague-là aussi de gens très cultivés qui nous arrivaient d'Haïti. Là. Oui, puis lui, en fait, en Haïti, justement, qui avait étudié les beaux-arts, l'histoire, le journalisme à Philadelphie aussi, également à Caracas, et qui avait fait aussi dans la bande dessinée en Haïti. Il y avait même des revues éphémères en fait, The Beau Pop. Oui, qui veut dire fantôme, c'est ça, en créole, c'est ça, oui. Ça, on va essayer de retrouver des exemplaires de ça, mais pour l'instant, on n'en a pas, mais en tout cas, on essaie de voir s'il y aurait moyen de retrouver ça. Écoutez, c'était... bon, puis, on parlait de BD religieux tout à l'heure. Là. Bon, il a fait aussi une bande dessinée sur la Passion de Jésus-Christ, à un moment donné. Alors, bien, c'est l'époque aussi. Là. Donc, c'était... c'était quoi votre question, en fait? Ouais, enfin, on jase comme ça. Et dans le fond, on parlait du fait qu'en Haïti déjà, il y avait déjà quelque chose qu'il faisait au niveau BD en Haïti, et donc dans le fond, qui s'est poursuivi tout simplement quand il est arrivé au Québec. Oui, et là, c'est ça. Là, ça me fait penser en fait, c'est parce que non seulement c'est assez exceptionnel aussi, là, je veux dire, d'avoir travaillé en BD quand même pendant plusieurs années comme ça au Québec à l'époque. Il faut aussi dire que il semble aussi que les dessinateurs de BD, des auteurs de BD d'origine haïtienne, ça aussi c'est assez rare. Alors il y en a peut-être deux ou trois là. Je veux dire, c'est quelque chose de, même ça c'est exceptionnel. Alors ça vaut la peine de rendre hommage à ce monsieur qui a été qui, c'est ça, qu'on a redécouvert donc à la fin des années 80, qui participait aux activités de notre association, là, la SCABD, tout ça, qui était et qui, à sa retraite, s'est remis à travailler en BD. Il avait un grand projet sur l'histoire d'Haïti. Quelque chose de grande envergure, de très ambitieux. Là, on est en 74, à peu près. Là, 74, ça, c'est une 74, là, c'est autre chose. Là. Okay, c'est 74, on a quelque chose, on a la mèche. Une histoire inachevée là, qui a pas réussi à compléter à l'époque, mais disons au début des années 90 à sa retraite, parce que bon, puis il est décédé en 95, là, 2-3 ans après sa retraite là. Donc il s'était remis vraiment après après un passage. Parce qu'il était fonctionnaire là, il a été journaliste, il a été animateur de radio, il a été après une carrière en BD qui était pas si payante que ça là. Donc, il était fonctionnaire. Et c'est un peu, dans le fond, au contact de la SCABD, avec cette ambiance-là, où ça lui a donné envie de... Ça lui a sans doute encouragé à s'y remettre, peut-être qu'il y avait déjà ce projet-là en tête, là, mais c'était une grande série historique sur l'histoire d'Haïti, une version en noir et blanc, une version en couleur. Ça n'a jamais été publié, là, mais les exemplaires existent là, aux Archives nationales. C'est assez... je sais pas si ça serait possible de publier ça un jour, mais il y avait un attachement à sa terre d'origine, comme un attachement au Québec, c'est assez impressionnant, ouais. Et justement, en termes de style, on parlait du fait que sa bande dessinée, c'est celle qui est les aventures de Roland et Robert, donc qui a roulé pendant 2000 planches, donc c'était un peu un récit inhabituel dans le contexte de l'époque, au Québec à tout le moins. En termes de style graphique, est-ce que son approche visuelle était-elle quand même ancrée dans les moments où il a travaillé de manière plus active? Vous voulez dire c'est son style habituel durant toute sa oeuvre. Oui, ou sinon, en fait, d'un point de vue visuel, il était quand même, d'un point de vue narratif, il était plus éclaté peut-être, mais d'un point de vue visuel, il était plus cohérent, si on peut dire, avec son époque. Ah oui, je pense que oui. Puis d'ailleurs, c'est ça peut correspondre aussi à une esthétique cinématographique ou télévisuelle de l'époque aussi, là. Comme des trucs comme, je sais pas, à l'époque à la Radio-Canada, il y avait les enquêtes Jobidon, des choses comme ça. C'était un peu ce style de narration-là et d'esthétique-là, je dirais. Là. Donc, c'est pour nous mettre un peu dans l'ambiance. Là. Et Pierre Skilling, en fait, ce que vous disiez, on a retrouvé donc ces derniers trucs, un fonds en fait aux Bibliothèques et Archives nationales du Québec, fonds Roberto Wilson. Donc, on peut aller voir un peu de ce côté-là, une partie, j'imagine, de son travail qu'on peut aller retracer. Et il y en a d'autres qu'il faut gratter, qu'il faut creuser pour essayer de remettre la main sur. Il y a des collectionneurs qui ont ramassé des choses là, Bernard Dubois avait quand même ramassé beaucoup de documentation sur Roberto Wilson. Alors Michel Viaud dans son livre, son grand livre sur l'histoire de la BD au Québec, qu'on consacre quand même plusieurs pages à Roberto Wilson. on a quand même... disons que c'est un peu... écoutez, en discutant comme ça, je me dis, il faudrait peut-être un jour... ça vaudrait peut-être la peine de peut-être faire un livre là, qui pourrait faire une espèce de tour d'horizon de son travail à partir de tout ce qu'on peut trouver aux archives et un peu partout. Là. Je sais pas si ça serait faisable, mais il y a quelque chose là de... C'est quand même une espèce de... Ouais, vous parliez de devoir de mémoire tout à l'heure, là, c'est ça. Bon, pour ce qui est du Québec et de la région de Québec en particulier, des dessinateurs, des auteurs de BD... d'origine immigrante aussi, quelque chose là de sûrement très précieux à mettre en valeur. Ouais. Oui, puis surtout dans un contexte où en fait il y a beaucoup de BD de l'époque en fait des années 50, 60, 40 qui ont pas été tant conservées non plus. Ouais, ouais. En dehors peut-être de grandes séries qui étaient associées à des journaux qui ont eu eux peut-être fait leur archive eux-mêmes de manière plus sérieuse, mais ouais, ouais. Ben Robert et Roland, par contre, je me souviens, en fait, on n'a pas d'originaux là, on n'a pas les originaux des planches là, par contre, mais on a des copies là. Ouais. C'est ça. Puis avec quoi justement ouais. réussir à faire quelque ouais. chose. Ouais. Puis, ouais. Avec les technologies d'aujourd'hui aussi, via la numérisation, ouais. il y a moyen ouais. de remettre à neuf, si on peut dire, le matériel. Ouais, tout à fait. En autant que le budget soit là. Ah ouais, ben ça c'est un autre problème là, mais c'est sûr que. L'avenir est là, je pense. Là. Le numérique, il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là. D'ailleurs, je pense que le festival de BD organise quelque chose sur le BD numérique aussi. Et Pierre Skilling, donc, dans le fond, vous connaissiez cet auteur-là. Ouais. Donc, vous l'avez rencontré, côtoyé avec l'ASCA BD. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'en 2018, on se dise, ben, peut-être que ça serait une bonne idée de monter l'expo. Justement, qu'est-ce que fait le déclic pour amener ce projet-là? Ben, en fait... c'est il y a toujours le directeur du festival de BD Thomas Louis Côté toujours d'excellentes idées là pour toutes sortes d'activités très variées dans le je pense qu'il avait pris contact avec la famille récemment là, ce qui mais faudrait il savait aussi que j'avais rencontré Roberto Wilson c'est arrivé un petit peu avec toutes sortes de hasards ça serait un peu difficile à ça force de se croiser oui c'est ça puis finalement il y a eu une sorte de déclic là, qui mais ça tombe bien quand même là, parce que ouais je pense qu'il va y avoir des gens de la famille M. Wilson qui vont être dans la région au mois d'avril en tout cas ça va être intéressant là. C'est et donc dans le fond il vous lance l'idée il vous dit ben en fait j'ai retracé un peu ça ouais. je sais que tu le connais ouais. vous êtes déjà un peu côtoyé ouais. Et vous levez la main en disant ben ok il y a oh, je pourrais collaborer ça m'intéresse c'est très comment dire, c'est quelque chose de précieux là à faire connaître là, il y a quelque chose de puis c'est comme vous disiez tout à l'heure dans le fond là, c'est un peu dans l'ordre d'idée là, de ce qui s'est fait l'année passée aussi là avec la redécouverte là de Madame Lapointe et tout ça, c'est un peu je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire encore là-dessus pour la mémoire de la BD, c'est quelque chose au Québec en particulier notamment, c'est vrai que c'est pas comme le cinéma, c'est pas comme la littérature, on dirait qu'on est plus éparpillé un petit peu. Hein, mais j'ai l'impression que parce que c'était dans des journaux, ouais, on fait beaucoup c'est les livres, on dirait que c'est plus facile conserver un livre, mais des journaux à un moment donné, ça prend le bord. Tout à fait. Il y avait pas d'album qui sortait après ça de ces BD-là, c'était quelque chose de c'était oublié complètement. Alors, heureusement, évidemment, qu'on a des gens comme Michel Viau ou Mira Falardeau tous ces gens-là. Moi aussi, j'écris un peu sur... évidemment, j'écris sur la BD aussi. Michel Giguère, des gens comme ça. Tous ces intervenants-là et auteurs et essayistes qui sont là pour nous aider à redonner un peu à reconstruire toute l'histoire de la BD au Québec. Oui, en fait, comprendre un peu la chronologie, parce que... En fait, les études en BD sont tellement récentes que on en est encore à s'approprier qu'est-ce qu'on a fait comme peuple en bande dessinée plutôt que d'être capable justement en fait d'analyser de mettre en contexte, on est encore beaucoup à l'inventaire en fait. Puis oui, puis c'est quand même assez stimulant là, de fouiller là-dedans et c'est encourageant, c'est enthousiasmant là, on est encore un petit peu au début dans le fond là, mais il y a encore beaucoup de travail à faire puis ouais, je pense que c'est assez encourageant quand même. Mais c'est-à-dire, c'est parfois décourageant un peu parce que c'est tellement éparpillé, mais il y a quelque chose de... Disons que la volonté est là. Puis, Oui, puis en travaillant, dans le fond, sur Roberto Wilson, ben des fois, on essaime sur tel autre auteur, voilà, finalement. Oui. Puis oui. Au fil des années, on réussit à remettre tranquillement ce patrimoine en valeur, à reprendre contact avec les familles aussi pour avoir éventuellement ces autorisations d'éditer-là. Ah, tout à fait. Puis ouais. Éventuellement, d'en arriver justement à avoir ce patrimoine BD-là disponible pour pouvoir ensuite l'analyser. Oui, tout à fait. Puis c'est important pour l'histoire de la BD, l'histoire de l'art au Québec, l'histoire sociale et politique aussi. Là. C'est important pour plein de dimensions de notre histoire. Et l'exposition Roberto Wilson, est-ce qu'on sait déjà un peu, ça va être à quel endroit? Oui, c'est la bibliothèque de Vanier. C'est le, je ne sais pas du nom de la bibliothèque. Voilà, c'est ça, tout à fait. La bibliothèque Marchand, alors à Vanier, et pendant le mois d'avril. Au fil du mois d'avril, puis comme vous dites, en fait, il va y avoir des membres de la famille qui vont être sur place, sûrement avoir des activités aussi, peut-être. Donc, mais dans tous les cas, sur le site Québec BD, ensuite, on aura l'information sur la durée s'il y a des activités autour de l'expo aussi. Malheureusement, j'ai pas une voix aussi radiophonique que Roberto Wilson. Il y avait une voix vraiment radieuse. C'était... Tu parlais un peu comme certains animateurs de Radio-Canada de l'époque, là. C'était assez impressionnant, là. Mais, voilà. Et quel souvenir vous en avez gardé en terminant Pierre Skilling de Roberto Wilson? Ben, c'est un homme très chaleureux, un homme d'une grande culture. Il était très ouvert au... Ben, on était un groupe de jeunes, là, à l'époque, là, qui était... qui avaient une approche de la bande dessinée qui était très différente, là, de ce qu'il faisait à l'époque, là. Donc, il était un peu... parce que ça a été aussi un haut fonctionnaire et tout ça, alors c'était il était très curieux de ce qu'on faisait, on dirait que ça lui avait redonné une espèce de jeunesse aussi, le bonhomme était très chaleureux, très gentil, c'est un fan de Alexandre Dumas, de la grande littérature classique et tout. Il était assez différent là de, disons, de plusieurs jeunes de l'époque là de notre groupe, mais c'était donc ça avait amené une espèce c'était quand même assez impressionnant là, de voir arriver ce monsieur là dans nos réunions là. Il mesurait au-dessus de 6 pieds, je pense, en plus. Là, c'était un monsieur qui était assez impressionnant. Ouais. Et donc, qui participait à ces rencontres-là, qui finalement apportait un certain mentorat, à la limite aussi, de par son expérience, de par le regard, la culture qu'il amenait. Oui, tout à fait. Oui, c'était... Alors, j'incite fortement, en fait, les gens à garder l'œil ouvert. On fera des rappels aussi sur Facebook, évidemment, pas qu'on échappe cette expo-là sur Roberto Wilson. Pierre Skilling, merci d'être venu faire un tour pour nous. Merci à vous. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Et nous, on repart en musique, toujours avec donc cet album de Kedzan qui nous accompagne cette semaine. We'll be right back. Et voilà, donc, pièce de Kidzan qui vient de se terminer. Et nous, on est un peu dans la dernière ligne droite de l'émission. J'en profite peut-être pour vous parler de quelques titres BD, certains qui m'ont échappé, d'autres que je ne veux pas échapper. Notamment, mais je pense que c'est un peu incontournable de mentionner l'existence de la bande dessinée La Terre des Fils de JP. Je l'ai pas fait ici. Je crois qu'il y a peut-être des collègues qui l'ont fait, des collaborateurs qui l'ont fait. Donc, je tiens à itérer aussi de mon côté. Une bande dessinée absolument magnifique qui nous a été offerte du côté de chez Futuropolis. On se retrouve dans un monde après l'apocalypse, un monde où on est en compagnie d'un père et de ses deux fils. Ses deux fils qu'il a choisi d'élever sans amour, parce que pour lui, il estime que pour qu'il réussisse à survivre dans ce nouveau monde, dans ce monde détruit, eh ben ils doivent nécessairement être forts, et cette force, mais justement, ils ne la trouveront pas dans l'amour. Alors donc, il crée cette distance-là, si on peut dire, entre eux et lui. Il le vouvoie, l'appelle monsieur. Il reste. Parallèlement, il a aussi choisi de ne pas leur donner d'éducation, de ne pas les apprendre à lire et leur apprendre à lire et à écrire, de leur forcer aussi d'éviter peut-être un peu la sphère, cette sphère d'intérêt-là. Et lui, parallèlement, ben, à chaque soir, il écrit dans un cahier. Et là, un beau jour, ben, il va décéder. Ses fils ont conscience de l'importance de son cahier dans lequel il allait écrire régulièrement, quotidiennement. Ils vont vouloir savoir qu'est-ce qu'il a écrit à l'intérieur de ces livres-là, en se disant que peut-être qu'il dévoile des éléments sur eux, autour d'eux. Et là, s'ensuit donc une espèce de road movie, un peu entre, l'esprit un peu peut-être de Mad Max, de Road à certains égards, d'autres films plus denses aussi, parce que les gens qu'il côtoie et qu'il croise ne sont pas toujours particulièrement recommandables. Et donc, ils vont chercher à savoir, à connaître, à comprendre ce regard que cette personne-là portait sur eux, et peut-être justement à saisir ou à savoir s'il les aimait, aller chercher cet amour dont il avait choisi consciemment de les priver, mais qu'il ressentait peut-être envers eux. Et donc, c'est un peu l'amorce de ce récit-là, un récit de JP qui nous amène donc une nouvelle fois dans les relations père-fils. Il faut dire que c'est une thématique qui est quand même récurrente dans son travail. C'est une étude de personnage, une étude de psychologie qu'on retrouve autour de ça. Dans le fond, une exploration de l'importance peut-être aussi de l'amour, de l'importance de savoir qu'on est aimé et que c'est peut-être, dans le fond, dans ces sentiments peut-être moins forts, qu'on va trouver justement cette force-là véritable. Et donc, on joue un peu avec ces thématiques-là dans le contexte d'un récit qui est dessiné, esquissé, un peu à un esprit de croquis à travers tout ça, qui convient parfaitement à l'ambiance qu'il nous propose et dans laquelle il nous entraîne, une ambiance qui est pas facile, qui est sombre, la mort qui est côtoyée de manière récurrente et régulière. Donc c'est pas un récit qui est facile non plus à ces égards-là, mais sincèrement, c'est un récit qui est fort, qui est âpre, qui est poignant, qui est fascinant aussi. On va chercher aussi dans les vocables, donc l'évolution des langages religieux qui s'apparentent à l'époque où ils nous amènent à ceux qu'on retrouve dans les messageries textes, dans les médias sociaux. Donc, encore là, il y a quelque chose de fascinant dans cette ouverture-là qu'il fait. En fait, sincèrement, c'est quelque chose de marquant comme lecture. Je vous la recommande chaleureusement si vous avez l'occasion d'y jeter un coup d'œil. Très, très beau livre, donc, JP nous a offert chez Futuropolis. Ça s'appelle La Terre des Fils. Vous aurez compris, et je le répète, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce titre et ce livre. Alors, sinon, dans un autre registre, je signale l'existence du livre. C'est pas une mauvaise adaptation, bien au contraire, mais c'est peut-être pas non plus une adaptation qui est transcendante ou qui apporte véritablement quelque chose sur le récit. Alors, je me suis dit, mentionnons-la. C'est très correct comme récit, mais pas nécessairement donc incontournable. C'est Harry Folman et David Polanski qui ont offert chez Kalman Levy une adaptation BD du journal d'Anne Frank. Évidemment, récit important, récit intime d'une jeune fille qui est isolée avec sa famille dans l'arrière-cour d'un immeuble d'Amsterdam où son père, juif allemand, a choisi de les cacher de 1942 à 1944. Et donc, entre 13 et 15 ans, elle raconte ses joies, ses peines, elle raconte le quotidien de ces gens-là qui vivent essentiellement cachés, enfermés dans cet endroit. À travers tout ça, ben, il y a des histoires, il y a des trames qui en viennent à se tisser. Un récit qui a marqué évidemment l'imaginaire du monde entier, qui nous a fait prendre conscience peut-être de certains éléments en lien avec la réalité de l'occupation de la Hollande, la persécution des Juifs, qui s'ajoute à une riche documentation de cette période trouble de l'histoire mondiale, et évidemment que tout le monde connaît, je pense, un brin aussi, là, parce que ça reste un récit important. Et donc, dans ce contexte-là, Harry Folman, voilà, et David Polanski nous arrivent avec cette adaptation-là. D'abord, peut-être connu Harry Folman comme réalisateur, Valse avec Bachir, entre autres, absolument magnifique livre. Et donc, il s'est vu proposer, lui, ce travail-là par le fonds Anne Frank, qui avait été créé en Suisse par Otto Frank dans les années 60. Donc, David Polanski est un collaborateur régulier de Folman, illustrateur. Il a également été décorateur artistique pour le cinéma. Donc, ils arrivent avec cette adaptation-là qu'ils choisissent de faire dans l'esprit très réaliste, si on peut dire. Donc, c'est vraiment une transposition de la trame, de l'ambiance, de l'esprit du récit dans le contexte de la bande dessinée. Et donc, ça reste très fidèle, je pense, à l'esprit du livre. Évidemment, ça ramène à ce que j'ai au départ. Donc, dans le contexte d'une adaptation fidèle, à part offrir un autre cadre de lecture, que ce soit une adaptation cinématographique, théâtrale, BD dans ce cas-ci, donc d'un récit, comme ça n'apporte rien de plus au-delà de cette réimagination, de cette forme, si on peut dire, dans laquelle on nous amène, mais pour moi, ça ne fait pas de ce récit quelque chose d'incontournable. Cela dit, si vous avez envie de voir un regard qui est solide, qui est professionnel, qui recrée, qui nous amène, je pense, bien dans l'esprit de ce que je tentais de nous communiquer cette jeune fille dans ce récit-là, eh ben, je crois que ça peut quand même être intéressant, peut-être juste pas un incontournable côté adaptation BD. Alors voilà, pour cette note, je mentionne que la semaine prochaine, on aura entre autres invités Catherine Oslo qui viendra nous parler de sa vie d'artiste qui vient d'être publiée chez Mécanique Générale. Il y aura d'autres gens qui viendront faire leur tour également. Alors c'est un rendez-vous. D'ici là, ben je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine sur les ondes du 89.1. C'est Raymond Poirier au micro. Toujours un plaisir de vous accompagner.